Caprice de lecture sur Fadjet, animée par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue pour cette première de Caprice de lecture dans laquelle je vais vous faire découvrir quelques petites idées lecture, la rencontre avec un auteur et quelques librairies qui peuvent être plutôt originales et vous donner des idées de sortie. On va commencer tout de suite avec la découverte d'un auteur, c'est son premier roman, il s'appelle Frédéric Ploussard, pour Mobilette, édité aux éditions Héloïse d'Ormesson. Frédéric Ploussard, je l'ai rencontré au livre Sur la place, donc, qui s'est déroulé tout début septembre, car il venait d'être nommé au premier prix, du roman Stanislas. Donc une très belle rencontre. Et il a eu la gentillesse de m'accorder une interview téléphonique la semaine dernière. Donc j'avais très envie de partager avec vous ses coups de cœur, sa façon d'écrire et puis son avenir en tant qu'auteur. Frédéric Ploussard, il est né en 1968, c'est un éducateur spécialisé et il se lance dans l'écriture depuis quelques temps déjà. Dans Mobilette, il utilise beaucoup d'ailleurs cette expérience d'éducateur spécialisé parce qu'on va voir apparaître différents personnages avec un passé plutôt, on va dire, désordonné et déstabilisé. Alors c'est quoi Mobilette ? Mobilette, c'est l'histoire de Dominique qui a 14 ans, qui arrive dans une famille qui en fait ne correspond pas du tout à ses attentes. Il n'est pas né dans la bonne famille. Et en plus, Dominique, il fait 2 mètres de haut. Donc quand on fait 2 mètres de haut et qu'on a 14 ans, forcément on est différent des autres. Et ses parents ne le comprennent pas, il a des envies, il a envie de dessiner, il a envie de partir. Et il fait tout pour que ses parents lui achètent une 103 SP, d'où donc le titre de Mobilette. Sauf que ses parents ne lui achèteront jamais. Et il grandit, on le voit grandir et évoluer dans sa vie d'adulte jusqu'à aujourd'hui. Alors Frédéric Ploussard, en fait, moi j'ai pas trop compris pourquoi son personnage devait mesurer 2 mètres. Et il m'explique que c'est pour changer de hauteur et de vision sur le monde et qu'il avait très envie en fait que son personnage soit un peu atypique. Concernant Mobilette, le titre Mobilette, c'est pour nous faire rêver et voyager. Et enfin, la natation est beaucoup présente en fait dans le roman. L'auteur lui-même pratique beaucoup cette natation, mais une natation en rivière qui n'a rien à voir avec la natation en piscine. C'est d'ailleurs pour ça que Frédéric Ploussard est parti en Ardèche pour avoir cette activité sportive. Concernant son futur littéraire, il a 3 romans en latence, dont un qui devrait être bientôt terminé et qui serait plutôt du genre polar. Donc je vous invite à lire Mobilette, qui est en course également pour le prix de Flore, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Vous n'en sortirez pas indemne. Je vous propose tout de suite une petite pause musicale avec Nina Simone. Thank you. clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace's smile. Something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Caprice de lecture sur Fadjet. Je suis les caprices de lecture où je vais vous faire découvrir aujourd'hui une librairie très atypique, alors qui ne se situe pas en France, mais en plein cœur de Bruxelles, qui s'appelle Tropisme. Cette librairie fait 600 mètres carrés sur 3 niveaux de surface, a 80 000 titres référencés et a été ouverte le 12 octobre 1984 sur une idée de deux amis, Brigitte et Jacques, qui avaient très envie de faire quelque chose d'original, mais qui ne savaient pas où. Alors ils se sont lancés tous les deux dans ce projet un peu fou. Au cœur des Galeries Saint-Hubert, cet établissement a été construit en 1844 et est classé monument historique, derrière une façade princière. Alors quand on rentre dans cette librairie, la grande particularité, c'est qu'il y a des miroirs partout, du plancher au plafond, sur les côtés, dans l'ascenseur, dans l'escalier. Alors malgré la taille, on pourrait croire que ça ressemble à une hyper grande surface, un hypermarché du livre, et en fait pas du tout. Ils ont vraiment su aménager des endroits très cosy, très cocooning. En fait, ensuite, ils se sont agrandis et ils ont investi les sous-sols en élargissant également la mezzanine qui surplombe la boutique. Et ils proposent ainsi aux lecteurs un large fond hétéroclite de la littérature francophone en sciences humaines, en passant par les rayons art, cinéma ou encore jeunesse et bande dessinée. Le décor est resté d'époque, milieu 19e siècle, et la librairie se revendique indépendante et moderne. Elle pratique une politique d'animation dynamique avec rencontres et dédicaces. Je vous invite très fortement à aller pousser la porte de Tropisme, c'est le nom de cette librairie. D'ailleurs, l'origine de ce nom est tirée d'un livre de Nathalie Sarraut. Que veut dire tropisme ? Ce sont les liens ou affinités qui se créent en un lieu, comme une rencontre inattendue avec un livre ou le service au lecteur. Tropisme se situe 11 Galerie des Princes à Bruxelles, est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h30 et le samedi de 10h à 19h. Et petite surprise, c'est également ouvert le dimanche de 13h à 18h30. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de la librairie sur le site internet boutique.tropisme.com. And allez, respire encore. Allez, respire encore. Allez, respire encore. Allez. Prise de lecture sur Fadjet. Pour cette troisième et dernière partie des caprices, je vous propose de découvrir les caprices de cette semaine pour lesquels j'ai eu un coup de cœur ou peut-être un peu moins. On va commencer avec Haruki Murakami. Alors c'est un peu compliqué à prononcer, c'est un auteur japonais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est celui qui avait écrit le best-seller 1084 il y a déjà quelques années, que moi je n'avais pas du tout lu parce que justement il y avait trop de popularité autour de tout ça, j'en attendais peut-être trop. Et depuis peu, j'ai découvert qu'il avait écrit des nouvelles. Du coup, j'en ai lu une qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Birthday Girl, une petite nouvelle qui fait 40 pages et qui nous raconte l'histoire d'une jeune japonaise qui fête ses 20 ans, qui est serveuse et qui va rencontrer le propriétaire de l'établissement qui va exaucer un vœu. Je vous invite à le lire, c'est tout frais, très épuré et tellement épuré que d'ailleurs ça nous permet d'aller chercher au fond de nous les émotions qu'on n'aurait peut-être pas avec trop de descriptions. Ça, c'est mon coup de cœur de la semaine. Deuxième coup de cœur de la semaine, qui n'est pas une nouveauté non plus, c'est Catherine Cussé, Le problème avec Jane, aux éditions Folio. Alors le problème avec Jane, c'est quoi ? C'est Jane, c'est une jeune américaine qui est professeure de lettres dans une université très réputée. Et puis un jour, elle rentre chez elle, il y a un paquet sur le pas de sa porte, il n'y a pas d'expéditeur. Elle ouvre le paquet et c'est un manuscrit. Ce manuscrit, en fait, c'est l'écriture de sa vie. Donc elle le lit. Et au fil de l'histoire, on se demande qui a pu lui écrire. Ça fait une espèce de thriller psychologique autobiographique qui est plutôt très bien fait. Catherine Cussé réussit l'exploit de nous maintenir en état d'alerte et en état, on va dire, d'attente sur un sujet qui n'est pas forcément au départ un thriller. Donc ça, je le conseille pour les fans plutôt de tout ce qui concerne un petit peu l'aspect psychologique des lectures. Et enfin, mon troisième, c'est pas forcément un coup de cœur, hein. Ma troisième lecture, c'est le dernier Mélissa d'Acosta, Je revenais des autres. Alors j'en attendais aussi beaucoup de Mélissa d'Acosta, pour ceux qui connaissent, c'est celle qui avait écrit Tout le bleu du ciel, qui est un livre magnifique. Je revenais des autres, j'en attendais autant, malheureusement. C'est pas du tout ce qu'on croit, c'est une jeune femme qui fait une tentative de suicide parce qu'elle est avec un homme qui a 40 ans, marié, deux enfants, qui ne quittera jamais sa femme. Et lui, il l'envoie dans les Alpes, dans un centre pour lui permettre un petit peu de décrocher et se rétablir. Bon, elle va faire des rencontres, on est plutôt sur la veine de tout ce qui est Raphaël, Giordano, etc. Bon, c'est pas vraiment un coup de cœur, moi je suis restée un peu sur ma faim. J'en parle aujourd'hui parce que certaines personnes peuvent aimer et y trouver aussi leur compte. Voilà, donc ça c'était les trois caprices de cette semaine. Je vous souhaite de très belles lectures. N'hésitez pas à réagir et à aller également sur le site internet capricesdelecture.fr. À très bientôt.